La jeune morte de José María de Heredia, enregistré pour LibriVox.org. La jeune morte. Qui que tu sois, vivant, passe vite parmi l'herbe du tertre où gît ma cendre inconsolée. Ne foule point les fleurs de l'humble mausolée d'où j'écoute ramper le lierre et la fourmi. Tu t'arrêtes, un chant de colombe a gémi. Non, qu'elle ne soit pas sur ma tombe immolée. Si tu veux m'être cher, donne-lui la volée. La vie est si douce, ah, laisse-la vivre, ami. Le sais-tu, sous le myrte en guirlandant la porte, épouse et vierge, au seuil nuptial, je suis morte, si proche, et déjà loin de celui que j'aimais. Mes yeux se sont fermés à la lumière heureuse, et maintenant j'habite, hélas, et pour jamais, l'inexorable Érèbe et la nuit ténébreuse. Fin du poème. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.